بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر في التواصي بالحق والتواصي بالصبر. C'est une autre assise durant laquelle nous allons nous conseiller mutuellement la vérité et nous conseiller mutuellement la patience et l'endurance. والمؤمنون كما جاء في الأثر مصحة والمنافقون غششة. Et les croyants, comme il est rapporté, ce sont des gens qui conseillent et qui sont dignes du conseil, et les hypocrites, ce sont des tricheurs et des traîtres. ولا زال الحديث مع الهجرة التي هي الخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهي طريقة المرسلين. قال عز وجل: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أي مهاجر، وهذه هجرة إبراهيم إلى أرض الشام عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه كانت إلى أرض الشام، وهاجر بعدها إلى مكة صلوات ربي وسلامه عليه. هاجر بولده إسماعيل وزوجه هاجر، هاجر بهم إلى مكة، وجعل الله الخير في هذه الهجرة، وكانت سببا في بناء البيت العتيق. Et donc, nous continuons de parler du sujet de la hijra, qui est le fait de quitter les pays de mécréance vers les pays de l'islam. Et ça, c'est la voie des prophètes, alayhi salatu wassalam. Dans les versets cités ici, dont la traduction approximative dit ceci, ils ont dit, c'est-à-dire les mécréants, concernant Ibrahim alayhi salam, construisez une construction pour y mettre le feu et jetez-le dedans. Et ils ont voulu faire du mal à Ibrahim alayhi salam, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que ce soit eux les rabaissés. Ibrahim a.s. a dit: je vais vers mon sevra, il va me guider. Et ça, c'est l'immigration d'Ibrahim a.s. vers Cham, vers le nord de l'Arabie. Et dans notre citation, dans la traduction approximative du sens du verset, il est dit: l'autre a cru en lui, c'est-à-dire a cru en Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim a dit: je vais vers mon souverain, je fais ma hijra vers Allah. Il est le puissant qui met les choses à leur place. Et ça, c'est la hijra d'Ibrahim alayhi salatu wassalam vers la terre, vers le nord de l'Arabie, vers Cham. Et il a fait une deuxième hijra où il est allé vers la Mecque, où il a laissé Hajar alayhi salatu wassalam, ainsi que son fils Ismaïl alayhi salatu wassalam. Et il découle de cette hijra vers la Mecque un grand bienfait, qui est le fait d'avoir construit l'ancienne maison, qui est la Kaaba. Wa hajara Moussa alayhi salatu wassalam ila ardi Madyan, wa yassara Allahu lahu fi hadhihi al-hijra khayran katiran, najjahu Allahu subhanahu wa ta'ala min Fir'aun وزوجه وزوجه ببنت الرجل الصالح في مدين. موسى عليه الصلاة والسلام في la hijra vers Madian. Allah subhanahu wa ta'ala, durant cette hijra, il l'a comblé de grands bienfaits. Il a fait qu'il l'a sauvé de Pharaon et il lui a donné comme épouse la fille du vertihomme de Madian. وبعد أن أرسل الله سبحانه وتعالى موسى إلى فرعون أرسله هو وأخوه هارون لدعوة فرعون إلى الله سبحانه وتعالى، وأبى فرعون وعاند هاجر موسى مع بني إسرائيل فرارا بدينهم. Et après que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moussa alayhi salatu wassalam, ainsi que son frère Haroun alayhi salatu wassalam, à Fir'aoun pour l'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala, et quand Fir'aoun a refusé et qu'il s'est entêté, Fir'aoun a fait la hijra. Moussa alayhi salatu wassalam plutôt a fait la hijra avec Banu Israël pour sauver leur religion. Pour sauver leur religion. وهاجر سيد الأولين والآخرين وسيد المرسلين من مكة إلى المدينة وهي أحب أرض الله إلى الله. Et le plus noble des messagers عليهم الصلاة والسلام, la plus noble des créatures d'Allah سبحانه وتعالى, le dernier des messagers, l'imam des messagers عليهم الصلاة والسلام, a fait la hijra de la Mecque vers Médine. Alors que la Mecque, c'est la terre que Allah aime le plus. Et c'est pour ça, quand, dans les années 80, la fin des années 80, début des années 90, les Palestiniens se trouvaient en difficulté de faire apparaître leur religion à Jérusalem, ils ont appelé Cheikh Nasser Rahimahullah à cette époque. Ils lui ont exposé la situation des difficultés dans laquelle ils sont, comme quoi ils ne peuvent pas accomplir leur religion. Il leur a dit, sortez de Jérusalem. Quittez-la. Allez vers un endroit où vous pouvez faire apparaître votre religion. Cette fatwa de Cheikh Nasser Rahimahullah a fait un tremblement de terre. Comment il leur ordonne de quitter la Palestine, de quitter Jérusalem, c'est une terre bénite. Certains l'ont rappelé dans l'après-midi. Il lui dit comment quitter Jérusalem, etc. Il les a interpellés. Il leur a dit, est-ce que la Mecque est plus importante, plus vertueuse chez Allah que Jérusalem ou là c'est Jérusalem? On dit que c'est la Mecque. Alors votre prophète, alayhi salatu wassalam, a quitté la Mecque. Hein? Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent te ramener des ambiguïtés. Il y a toujours des gens qui mettent leur raison là où il ne faut pas. وهاجر الصحب الكرام رضوان الله عليهم الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية وبعدها لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. Et les nobles compagnons رضوان الله عليهم ont fait la première hijra vers l'Abyssinie. Et ils ont fait la deuxième hijra vers l'Abyssinie. Et après, une fois que le prophète a fait la hijra vers Médine, ils l'ont rejoint là-bas, ridwanullahi alayhim. وهاجر جماعة من اليمن منهم أبو موسى الأشعري ومعه خمسون رجلا من قومه هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. Et un groupe de Yémenites a fait la hijra. Et à leur tête, Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu wa arda, à la tête de 50 hommes, ils ont fait la hijra du Yémen vers Médine, rejoindre le prophète, alayhi salatu wassalam. Wa la zalat al-hijratu d'Abu al-Salihin, min biladi al-kufri ila biladi al-Islam, wa min biladi al-bid'ati ila biladi al-Sunnah, wa min biladi al-ma'asi idha lam yastati'u idhar dinihim, إلى بلاد الطاعات إلى هجرة إلى voie des vertueux. Le fait de quitter le pays de mécréance vers le pays de l'islam, c'est la voie des vertueux. Ainsi que le fait de quitter les pays de l'innovation vers les pays de la sunna, et le fait de quitter le pays de la perversité vers les pays de la désobéissance, tout un chacun quelque part qui ne peut pas faire apparaître sa religion, ha, et qui est capable de faire la hijra, il la faisait. Certains pieux prédécesseurs d'Allah me disaient, il ne faut pas rester dans un pays où on insulte salaf. Ha, on insulte les pieux prédécesseurs, ridwanullah alayhim. Qu'est-ce qu'il en est quand on est dans un pays où carrément on dénigre le messager alayhi salatu wassalam, hein? Et on dénigre la religion d'Allah et les lois d'Allah. Waja'a an Abdurrahman ibn Auf wa Muawiya wa Abdullah ibn Amr ibn al-As anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qal inna al-hijrata khislatan ihdahuma an tahjura as-sayyi'at wal-ukhra an tuhajira ila Allah wa rasulihi wa la tanqati'u al-hijratu ma tuqbilat at-tawba ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته dans ce qui est rapporté par l'imam Ahmed رحمه الله حديث de Muawiya ainsi que عبد الرحمن بن عوف ainsi qu'Abdullah ibn Amr ibn al-As, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, la hijra c'est deux qualités, deux caractéristiques, deux nobles qualités. Le fait de délaisser les péchés, et la deuxième c'est le fait de aller vers Allah, immigrer vers Allah et son messager. Et la hijra ne s'arrête tant que le repentir est accepté. Et le repentir est accepté tant que le soleil ne s'est pas levé de l'ouest. Et quand le soleil se lèvera de l'ouest, les cœurs vont être scellés. Et les personnes n'ont plus d'œuvre à faire. Classe. Les cœurs vont être scellés. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن السفر في هذا الزمان إلى بلاد الكفار son éminence الشيخ ابن باز رحمه الله عليه lui a été posé la question sur le fait de voyager à notre époque vers les pays de mécréance. سماحة الشيخ كانت الأسفار في الماضي كثيرة الفائدة أما في هذه الأزمنة فالعكس هو الصحيح فما توجيهكم لو سمحتم celui qui a posé la question il a dit son éminence avant longtemps ancien les voyager visiter des pays étaient bénéfiques. À notre époque, c'est tout à fait le contraire. C'est quoi vos orientations? فقال رحمه الله واسكنه فسيح جناته. الأصفار خطيرة إذا كانت لغير بلاد المسلمين. Il a dit, les voyages sont très dangereux quand ils sont vers des pays qui ne sont pas des pays de l'islam. أما السفر في بلدان المسلمين للمصلحة التي يراها والد الأطفال أو إخوتهم الكبار للحج أو للعمرة أو لمصلحة يراها والدهم ويصطحب معه أولاده فلا حرج في ذلك مع مراعاتهم من جهة الصلاة وغيرها. Il a dit, quand le fait de voyager vers le pays de l'islam pour un intérêt qui estime le père des enfants ou leurs frères, leurs grands frères, soit pour le faire le pèlerinage, ou faire l'umra, ou pour un autre intérêt qu'estime le père, et il accompagne ses enfants, il n'y a aucun mal, en prenant en considération le côté qu'ils doivent accomplir la prière, et d'autres. Hein? Et d'autres obéissances. Yaqul, amma tadhhab ila biladi al-kafara. هذا أمر لا يجوز. Quand on fait d'aller vers les pays des mécréants, ceci n'est pas permis. يجب الحذر من سفر الأولاد إلى بلاد الكفرة لما في ذلك من الخطر العظيم. Il faut faire très attention que les enfants ne voyagent pas vers les pays de mécréants, parce que là il y a un énorme danger. فالواجب ألا يسافروا إلى بلاد الكفار ولو كانوا يطلبون العلم أو لأمر آخر يجب منعهم من ذلك. Il dit ce qui est obligatoire, c'est qu'ils ne voyagent pas vers le pays de mécréance. Même s'ils vont là-bas pour demander une science ou pour autre chose, il faut leur interdire. وأن يكون طلبهم في بلادهم بين إخوانهم المسلمين. Et leur demande de science doit se faire au milieu de leurs frères en islam. يقول لأن ذهابهم إلى بلاد الكفار فيه خطر عظيم. Car le fait qu'ils aillent dans les pays de mécréants, il y a un énorme danger dedans. ولو كان باسم طلب العلم. Même si ça se fait ou non, du fait d'aller chercher la science. أو باسم الطب أو بغير ذلك من الأسماء لأن الخطر عظيم والعاقبة وخيمة في الأغلب. Même au nom de la médecine, c'est-à-dire pour aller chercher la médecine, hein, ou aller suivre un traitement là-bas ou autre parmi les noms, car la situation est dangereuse et la fin de ce voyage est découle des mauvaises influences. يقول فالواجب الحرص على سلامة دينهم وأخلاقهم ولا يسمح لهم بالسفر إلى بلاد الكفار. Il est obligatoire de tenir à les préserver et à préserver leur religion, à préserver leur comportement, et qu'on ne leur donne pas l'autorisation, qu'on ne les autorise pas à aller vers les pays de mécréants. وعلى الدولة وفقها الله أن تلاحظ هذا الأمر وأن تعتني به. Il dit l'État doit s'acquitter de ce devoir et de l'observer et de lui donner de l'importance. وإذا دعت الضرورة إلى سفر جماعة لأمر مهم لا يتيسر تعلمه في البلاد فليكن ذلك عن اختيار الطلبة المعروفين بالخير والاستقامة وأن يكون بصحبتهم من يراقبهم ويعتني بهم ويلاحظهم حتى يعودوا إلى بلادهم سالمين إن شاء الله. Il dit ici il y a la nécessité d'envoyer un groupe pour quelque chose d'important, comme une science qu'ils ne peuvent pas obtenir dans le pays de l'islam, et qu'il faut qu'ils aillent là-bas, ben il faut choisir ces demandeurs. Il faut choisir dans les demandeurs qui vont aller à la recherche de cette science, des gens qui sont dans la droiture, dans leur religion et dans le bien, et qui ont leur compagnie, quelqu'un qui les surveille, hein, et qui s'occupe d'eux, et qui fasse attention à leurs mouvements, et qui les observe jusqu'à ce qu'ils reviennent sains et saufs, inshallah, vers leur pays. يقول أما التساهل في هذا الأمر فلا يجوز أبدا لا من الدولة ولا من غيرها. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. Et quant au fait d'être négligent sur ce point, il n'est pas permis. Que ce soit de la part de l'État, ou ce soit de la part des individus. Et que Allah subhanahu wa ta'ala accomplisse tout le monde dans la bonne voie. يقول فيما يخص الوالدين والأصفار بالذات سماحة الشيخ مثل ما تقدم حتى الوالدين ليس لهما السفر حتى الوالدان الكبيران ليس لهما السفر إلى بلاد الكفار للخطر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. إيه celui qui lui pose la question lui a dit, en ce qui concerne les parents et les voyages des parents, hein, Cheikh lui dit, c'est comme ce que j'ai dit auparavant. La même chose. Même les parents n'ont pas à voyager vers le pays de mécréants. Même les parents qui sont grands n'ont pas à faire le voyage vers le pays de mécréants. Car ceci est trop et très dangereux. Et il a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, je dis à vous, tous musulmans qui résident au milieu des associateurs, le dis à vous de qui? De celui qui ne parle pas de ses propres passions. Il dit, je dis à vous, Anabari, je dis à vous, tous musulmans qui résident au milieu des associateurs. Wa yaqulu alayhi salatu wa salam, لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين يعني حتى يفارق المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم دي الله سبحانه وتعالى نكسب دوكان اسوسياتور après qu'il s'est converti à l'islam une œuvre que qu'une fois qu'il a quitté les associateurs. Hada il s'est converti. Qu'est-ce qu'il en est de ceux qui quittent le pays de l'islam pour venir ici? Qu'est-ce qu'il en est de ceux qui sont à l'origine musulmans? La situation encore plus. Yaqulu rahimahullah wa qad ajma'a al-ulama rahimahumullah ala wujub al-hijrati ala man aslama fi bilad al-shirk an yantaqila ila bilad al-islam wa an la yabqa bayna al-mushrikin illa idha adhara dinahu وأمن الفتنة. أما إذا كان لا يستطيع إظهار دينه بينهم أو لا يأمن الفتنة على نفسه من الوقوع في الباطل فإنه يلزمه أن يهاجر ليسلم في دينه وليبتعد عن أسباب الفتنة. Il dit رحمه الله تعالى l'unanimité des hommes de science que Allah سبحانه وتعالى le couvre de sa sainte miséricorde est sur le fait de l'obligation de la hijra pour tout un chacun qui s'est converti dans les pays de mécréance, il doit quitter le pays de mécréance vers le pays de l'islam. Il ne doit pas rester au milieu des associateurs, sauf s'il est capable de faire apparaître sa religion et qu'il est épargné de la sédition et de la fitna. Et s'il n'est pas capable de faire apparaître sa religion au milieu d'eux et qu'il y a la fitna pour lui, la fitna pour lui, pour qu'il tombe dans le faux et ainsi de suite, il est obligatoire pour lui de quitter le pays de mécréance vers le pays de l'islam pour sauver sa religion et pour s'éloigner de la sédition. يقول والعام لا يستطيعون إظهار دينهم ولا يعرفون دينهم بالتفصيل ولا يأمنون الفتنة. Il dit, les gens de la masse ne peuvent pas faire apparaître leur religion. Ils ne connaissent pas leur religion en détail. Et ils ne seront pas épargnés de la fitna. Donc il est obligatoire pour eux de ne pas voyager vers le pays de mécréants. وَإِنَّمَا يُسَافِرُوا أَهْلُ الْعِلْمِ أهل البصيرة للدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير وإدخالهم في الإسلام. Mais ceux qui doivent voyager, ce sont les hommes de science, les hommes de la clairvoyance et de la science pour appeler vers Allah et orienter les gens vers le bien et les faire convertir à l'islam. يقول أما العامة وضعفاء العلم والشباب الذين ليس عندهم الحصانة الكافية فليس لهم السفر إلى بلاد الشرك إلا عند الضرورة بالطريقة التي ذكرتها آنفا من طريق ولي الأمر بأن يكونوا مختارين معروفين بالاستقامة وأن يكون معهم من يلاحظهم ويراقبهم حتى يرجعون. Il dit, quant à la masse et aux faibles, ceux qui sont faibles dans la science, et aux jeunes, qui n'ont pas d'immunité suffisante, avec la science bien sûr, ils n'ont pas à voyager vers les pays de l'associationnisme, sauf par nécessité. Il dit, comme je l'ai cité auparavant, et ça doit se faire par l'intermédiaire de l'État, et qu'ils soient choisis, doivent être droits dans leur religion, et qu'il y ait quelqu'un qui les observe, et qui est avec eux pour les bien orienter jusqu'à ce qu'ils reviennent, s'il y a la nécessité qu'ils partent. Un peu, hada, regarde la parole du messager alayhi salatu wassalam, là, celui que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de se convertir à l'islam doit quitter. Qu'est-ce qu'il en est de nous qui avons fait le sens contraire? Qui avons délaissé le pays de l'islam pour le pays de mécréants? Khlas, parle plus de tes parents khlas, maintenant toi. Tes parents ne connaissaient pas le hukm, ils ne savaient pas. Hein? Regarde, déjà l'islam dans lequel ils étaient éduqués. Ils étaient éduqués dans un islam de tradition. D'où ils peuvent connaître là l'obligation de la hijra, du blad al-kufr à blad l'islam. Hein? Donc classe, tu es pubère, tu es majeur, tu es responsable de toi-même, responsable de ta famille que tu as maintenant et tes enfants. Fais pas, hein? Tourne pas les questions à l'envers. Maintenant, tu es responsable. Tes parents, hein, ils étaient ignorants. Ils sont venus vers ici, khlas. Mais maintenant, toi, hein, que Shaitan ne vient pas jouer avec nous. Hein, et qu'on soit conscient du danger dans lequel on est. Hein, et qu'on prenne notre responsabilité. Parce que demain, on sera devant Allah et des questions nous seront posées. Hein? Min Abd al-Aziz, ibn Abdillah, ibn al-Baz, ila al-Akh al-Mukarram, waffaqahu Allah, lima fihi rida, wa zadahu min al-ilm wal-iman, amin. Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, amma ba'd. Voici une lettre envoyée à Sheikh ibn Baz, à quelqu'un qui a fait la hijra vers l'Italie. De Abdelaziz ibn Baz, au noble frère, que Allah subhanahu wa ta'ala l'accomplit dans son agrément, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la science, la foi, amin. Hein? Salam alaykum wa rahmatullah. Et après, فَإِشَارَةٌ إِلَى رِسَالَتِكَ الَّتِي تَذْكُرُ فِيهَا أَنَّكَ شَابٌ مُسْلِمٌ تقيم في إيطاليا وأن بها شبابا من المسلمين كثيرين وأن أغلبهم استجاب لرغبة الصليبيين في إبعادهم عن دين الإسلام وتعاليمه السامية فأصبح أغلبهم لا يصلي وتخلق بأخلاق سيئة ويعمل المنكرات ويستبيحها إلى غير ذلك مما ذكرته في رسالتك. Faisons allusion à ce que tu as mentionné dans ta lettre. Tu as dit que tu es un jeune musulman qui réside en Italie, au milieu de beaucoup de jeunes musulmans, et que la majeure, une grande partie d'eux, ont répondu à la da'wa, hein, des croisés, salébiens, à la da'wa de la chrétienté, qui les ont éloignés de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et des nobles enseignements de la religion d'Allah. La majorité parmi eux ne prie plus. La majorité parmi eux, il dit, ont des mauvais comportements, du libertinage. Ils font le blâmable ou le prenant comme quoi il est illicite. Il est illicite. Le munkarat, yaf'alouna, ya'malouna le munkarat, wa yastabihouna. Ils accomplissent le blâmable en disant qu'il est licite. Et parmi toutes les autres choses que tu as citées dans ta lettre. يقول وأفيدك بأن الإقامة في بلد يظهر فيها الشرك والكفر ودين النصارى وغيرهم من الكفر لا تجوز. Il dit, je te fais savoir que le fait de résider dans un pays de l'associationnisme et de la mécréance un pays de la religion chrétienne ou autre parmi les mécréants, il n'est pas permis. Sawa'an kanat l'iqama baynahum lil'amal ou l'ittijara ou l'iddirasa ou ghayru dhalik. Soit que la résidence, il est pour le fait de travailler ou pour le fait de faire du commerce ou le fait d'étudier, il n'est pas permis. لقول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Il cite la preuve pourquoi ce n'est pas permis. Le verset dans Sourate An-Nisa de tout à l'heure, hein? Ceux, au moment où les anges de la mort viennent chercher leur âme, viennent prendre leur âme, alors qu'ils étaient injustes envers eux-mêmes. Comment ils étaient injustes? En étant dans le pays de mécréants. Les anges leur diront où vous étiez. Ils diront nous étions faibles sur terre. Les anges leur diront hein, est-ce que la terre d'Allah n'était pas assez vaste pour que vous y immigriez? Cela, leur demeure sera le feu de l'enfer. Et quelle mauvaise demeure! Sauf les faibles parmi les hommes. Les femmes, les enfants qui ne peuvent pas et qui n'ont pas de capacité de faire la hijra, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonnera et il est le clément, le pardonneur. L'avertissement dans le verset, il est énorme. Hein? Tout un chacun qui ne peut pas accomplir sa religion, comme là, nous l'avons vu dans l'interprétation d'Ibn Kathir, qui ne peut pas accomplir sa religion et qui a la capacité de faire la hijra, il est concerné par le verset. L'avertissement dedans, cela, leur demeure sera le feu de l'enfer et qu'une mauvaise demeure. Sauf les incapables, ceux qui n'ont pas la capacité, parmi les hommes, les femmes, les enfants, ceux-là, seulement à ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne. Yaqul, rahimahullah, wa ghafara lah, wa askanahu fasiha jannatih, wa hadi l'iqamatu la tasduru an qalbin arafa haqiqata l'islam wa l'iman, wa arafa ma yajibu min haqqi Allahi fi l'islam ala l'muslimin, wa radhiya billahi rabban, wa bil islami dinan, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Il dit, le fait de résider au milieu des mécréants n'émane pas d'un cœur qui a connu la réalité de la foi et la réalité de l'islam. Et d'un cœur qui connaît ce qui est obligatoire au niveau des droits de l'islam. Et de quelqu'un qui a agréé Allah comme seul digne d'être adoré. Et l'islam comme religion, et Muhammad comme messager et prophète d'Allah. Yaqul, rahimahullah, fa inna ar-ridha bidhalika, yadmanu min mahabbatillah, wa ithari mardatih, wal ghayrati li dinih, wal inhiyaza ila awliyaih, ما يوجب البراءة التامة والتباعد كل التباعد عن الكفرة وبلادهم بل نفس الإيمان المطلق في الكتاب والسنة يجمع مع هذه لا يجتمع مع هذه المنكرات. Il dit car le fait d'agréer Allah subhanahu wa ta'ala comme sunna d'être adoré, cela implique d'aimer ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et de mettre en avant ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, et d'avoir la jalousie pour la religion d'Allah, et de s'allier avec les alliés d'Allah, et ça implique de désavouer, d'un grand désavou, les associateurs, et de s'éloigner d'eux, et de s'éloigner de leur pays. Il dit ça, ça fait partie de la foi, au sens large du terme, qui est contenu dans le livre et dans la sunna. Et cette foi ne peut pas se réunir avec le blâmable. يقول وصح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله بايعني واشترط فقال راه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين أخرجه أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى وغفر له. Il cite le hadith authentique rapporté par l'imam Nasa'i رحمه الله de Jarir ibn Abdillah al-Bujali que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit al Rasoul sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasoul Allah, fais-moi l'allégeance, c'est-à-dire je te fais l'allégeance Ya Rasoul Allah, et dis-moi les conditions. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu adores Allah uniquement, que tu accomplisses la prière et que tu t'acquittes de la zakat et que tu sois un conseiller, que tu conseilles les musulmans et que tu te sépares des associateurs. Et que tu te sépares des associateurs. وَصَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الحديث السابق وهو قوله عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. Il a été aussi rapporté authentiquement du messager عليه الصلاة والسلام qu'il a dit je dis à vous tout musulman qui vit au milieu des associateurs. وقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله عز وجل من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أكسبت با d'un associateur qui s'est converti à l'islam une œuvre tant qu'il n'a pas qu'il a se séparé des associateurs qu'il les quitte. والمعنى حتى يفارق المشركين jusqu'à ce qu'il se sépare avec les associateurs. وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك والتحذير منه ووجوب الهجرة مع القدرة. Et il dit, les hommes de science ont déclaré tout ceci clairement, comme quoi ceci est interdit d'aller vivre au milieu des associateurs. Et ils ont averti d'un grand avertissement. Et ils ont détaillé sur l'obligation de la hijra pour celui qui a la capacité de la faire. يقول اللهم إلا رجل عنده علم وبصيرة فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وشرح محاسن الإسلام لهم. Il dit sauf un homme qui a la science, il a clairvoyance, il va là-bas pour appeler vers Allah, pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière et leur parler et leur expliquer les bienfaits et les vertus de l'islam. يقول وقد دلت آية سورة براءة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Il dit le verset dans Surat Bara'a le prouve. Et la traduction approximative du sens de ce verset dit, dis-leur et à Muhammad, c'est vos parents, vos enfants, vos frères, vos femmes, ceux de votre tribu, l'argent que vous avez amassé, le commerce dont vous avez peur, la faillite, des maisons que vous agréez, sont ce que vous aimez, plus qu'Allah et son messager, et un combat sur le sentier d'Allah, attendez-vous à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les gens pervers. يقول دلت على أن قصد أحد الأغراض الدنيوية ليس بعذر شرعي. Dit que ce verset prouve que le fait d'aller chercher un des buts mondains n'est pas une excuse légiférée. N'est pas une excuse légiférée. بل فاعله فاسق متوعد بعدم الهداية إذا كانت هذه الأمور أو بعضها أحب إليه من الله ورسوله ومن جهاد في سبيل الله. Il dit celui qui agit ainsi, dans le verset, il est considéré comme pervers. Et il est sous l'avertissement, comme quoi il n'aura pas la guidance. Hein? C'est ces choses, ou certaines de ces choses, il les aime plus qu'Allah. Ils sont messagers et le combat sur le sentier d'Allah. Il dit, وأي خير يبقى مع مشاهدة الشرك وغيره من المنكرات والسكوت عليها بل وفعلها كما حصل ذلك من بعض من ذكرت من المنتسبين إلى الإسلام. Il dit, et quel bien il reste dans le fait de voir l'associationnisme et de voir le blâmable et de ne pas pouvoir blâmer, de ne pas pouvoir réprimander. Et j'ouvre une parenthèse. Regardez la statue qui est là-bas, qui surplombe la ville d'Alès. Vous la voyez comment elle est? L'emblème de l'association. Regarde celle d'en bas, en bas de la colline encore. Tu la vois? C'est devenu un décor normal, tout à fait naturel. Il n'y a plus rien qui bouge dans les cœurs. Hein? Combien de fois on entend les cloches? À chaque heure tu entends les cloches. Qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? Pose-toi la question. Qu'est-ce que ça te fait dans le cœur? C'est très dangereux. Ça veut dire qu'il n'y a plus de réaction. Que tout devient normal. Hein? Et ça, c'est l'impact. Mauvais impact de vivre au milieu des mécréants. C'est pour ça que les hommes de science sont, hein, attirent l'attention fortement sur le fait de délaisser le pays des mécréants. Yaqul. Et quel bien reste quand tu vois l'associationnisme autre acte blâmable et tu te tais, tu ne peux même pas blâmer et que même certains les accomplissent comme il se passe par ceux que tu as cités que tu dis qu'ils font partie de l'islam. يقول وإن زعم المقيم من المسلمين بينهم أن له أغراضا من أغراض الدنيوية كالدراسة أو التجارة أو التكسب فذلك لا يزيده إلا مقتا. Il dit, hein, ici, ceux qui sont résidents au milieu des mécréants prétendent que ceux-ci le font pour un but mondain, pour des études, pour un commerce, pour gagner de l'argent. Ceci ne fait qu'empirer sa situation. وَقَدْ جَاءَ فِي كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْوَعِيدَ الشَّدِيدِ والتهديد الأكيد على مجرد ترك الهجرة كما في آية سورة النساء المتقدم ذكرها وهي قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وما بعدها. Il dit, حفظه الله, dans le livre d'Allah il y a l'avertissement sévère et la menace sévère du fait de délaisser tout simplement la hijra. Dans les versets de Sourate An-Nisa cités auparavant, dont la traduction approximative du début dit « Ceux qui au moment de la mort contre les anges viennent prendre leur âme alors qu'ils sont injustes avec eux-mêmes. » Et ce qui en suit regarde l'avertissement qu'il y a jusqu'à la fin du verset. « فَكَيْفَ بِمَنْ يُسَافِرُ إِلَى بِلَادِ الْكَفَرَةِ » ويرضى الإقامة في بلادهم. Il dit, qu'est-ce qu'il en est de celui qui voyage vers le pays des mécréants et il agrée et il accepte le fait de résider au milieu d'eux وكما سبق أن ذكرت أن العلماء رحمهم الله تعالى حرموا الإقامة والقدوم إلى بلاد يعجز فيها المسلم عن إظهار دينه، والمقيم للدراسة أو للتجارة أو للتكسب، والمستوطن حكمهم وما يقال فيهم حكم المستوطن لا فرق، إذا كانوا لا يستطيعون إظهار دينهم وهم يقدرون على الهجرة. Il dit comme je l'ai dit auparavant, j'ai cité les paroles d'hommes de science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, comme quoi il est interdit de résider dans le pays de mécréants ou de venir vers les pays de mécréants pour celui, pour le musulman qui est incapable de faire apparaître sa religion. Que ce soit pour celui qui vient pour des études, ou pour le commerce, ou pour gagner de l'argent, travailler et gagner de l'argent, que ce soit celui qui est résident, il n'y a pas de différence. Du moment qu'ils ne peuvent pas faire apparaître leur religion et qu'ils sont capables de faire la hijra, il est haram pour eux de rester là. يقول رحمه الله وأما دعوى بعضهم وكراهتهم مع الإقامة في ديارهم فذلك لا يكفي وإنما حرم السفر والإقامة فيها لوجوه منها. لكنت فيت que certains prétendent qu'ils sont là au milieu du mécréant mais qu'ils les détestent, ils détestent la mécréance, ceci n'est pas suffisant. Et il a été, et certes, il a été interdit de voyager vers le pays des mécréants et d'y résider pour plusieurs raisons. يقول أمر الأول أن إظهار الدين على الوجه الذي تبرأ به الدم متعدل وغير حاصل. Car le fait, il dit premièrement, le fait de faire apparaître la religion d'une façon que la personne s'acquitte de sa responsabilité, ceci n'arrive pas, ne s'accomplit pas. Hein? Là, regarde. Je le répète. Le hijab pour nos filles à l'école, l'éducation de nos enfants, le fait de, est-ce qu'on a, hein, on peut sacrifier notre mouton tranquille, ou là, alors on a la trouille pendant, depuis le début de, hein, de hijab, juste là, hein, où est-ce que je vais égorger, et si je me fais attraper, et vas-y. La cantine, est-ce que dans la cantine il y a du halal? Ce prétexte, c'est l'école de la laïcité. Est-ce qu'il y a le halal? Hein? Et les exemples sont nombreux à l'islam. Pour ne pas vivre dans un nuage. Et pour arrêter de suivre le mirage. Vous connaissez ce que c'est que le mirage? Hein? Quand tu es dans le désert, quand tu es dans une région chaude, que tu roules en plein canicule, et que c'est l'étendue devant toi, et ta soif, il fait chaud, tout d'un coup tu te vois devant toi comme un lac. Plus tu t'approches, plus il s'éloigne. Plus tu t'approches, plus ça n'existe pas. Ben, c'est ça. C'est ça. Quand on se ment à soi-même, et qu'on se trahit soi-même, en disant qu'on est bien ici, ben, c'est suivre un mirage. Hein? يقول رحمه الله نصوص العلماء رحمهم الله تعالى وظاهر كلامهم وصريح إشارتهم أن من لم يعرف دينه بأدلته وبراهينه ويستطيع المدافعة عنه ويدفع شبه الكافرين لا يباح له السفر إليهم. Il dit le deuxième point comme quoi il est interdit de rester dans le pays de Mécréens d'y voyager, c'est que les textes, hein, cités par les hommes de science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les comble de sa sainte miséricorde, l'apparence de leur parole, elle est claire, que celui qui ne connaît pas sa religion avec preuve, et qui est incapable de défendre la religion, et de repousser les ambiguïtés des mécréants, il ne lui est pas permis d'aller voyager vers eux. Hein? Regarde nos enfants, et je te cite quelque chose qui est arrivé. Une jeune fille kabyle, son frère est dans, mashallah, un de nos frères salafi, dans le nord, et il éduque sa sœur de la meilleure des façons. À l'école, La maîtresse française lui a dit, la fille lui a parlé du Coran, il lui a dit sa conviction que lui a appris son frère au niveau du Coran, qu'il est authentique, que c'est la parole d'Allah, etc. L'autre, qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, c'est Uthman ibn Affan qui l'a écrit. Hein? T'imagines un petit peu l'ambiguïté? Hein? Et la petite, comment elle peut défendre? On est en danger. On est en danger, akhal islam. Thalithan yaqul min shurut as-safar ila biladihim amn al-fitna بقهرهم وسلطانهم وشبهاتهم وزخرفتهم وأمن التشبه بهم والتأثر بفعلهم. Il dit le troisième point parmi les conditions de pouvoir voyager vers le pays du mécréant, c'est d'être sûr que tu ne vas pas subir la fitna, tu ne vas pas tomber devant et qu'ils ne vont pas t'écraser par leurs lois, ils ne vont pas t'embellir leurs ambiguïtés et que tu ne vas tomber pas, tu ne vas pas leur ressembler dans, leur, dans ce qu'ils font. Billah alayk l'an. Regarde certains de nos frères comment ils sont dans leur tenue vestimentaire. Hein? Ils ressemblent plutôt à Jacques et Jacqueline. Regarde les exemples dehors. Hein? Regarde combien ils ont honte d'être avec leur camise dehors. Ils viennent, ils encombrent le... Hein? Là, on accroche les vêtements dans les mosquées, avec le qamis. Il attend jusqu'à ce qu'il soit à la mosquée pour l'enfiler. Ou le gars, quand il le prend avec lui, il ne le laisse pas à la mosquée, il le jette dans la voiture. Et beaucoup de choses. Hein? Regarde, dans les bâtiments, vers la fin d'année, combien de bâtiments de musulmans et de maghrébins tu vois les guirlandes de Noël? Va voir chez les bouchers combien qui sont ceux qui lui commandent la dinde pour la farce. Rigole pas, c'est triste. Il ne faut pas en rigoler. On arrive et que la communauté tombe aussi bas et tombe dans cette imitation aveugle de la mécréance. Là, il ne faut pas en rigoler, c'est triste. C'est malheureux. C'est malheureux, akhal islam. C'est très malheureux. Cela prouve comment on est complexé, le complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident. Hein? Donc il faut faire très attention. Il y a des choses, on ne peut pas rigoler. C'est pas de l'humour. Il n'y a pas d'humour ici. Ici, il en va des gens qui perdent la religion et qui s'éloignent de la religion. Et ça va être un spectacle pour nous. A'oudou billah. A'oudou billah. Et ça fait partie du mauvaise influence que nous avons dans ce pays. Parce que tout est devenu la risée et de toutes choses on fait de l'humour. Hein? Et c'est les mauvais impacts que nous subissons dans ce genre de pays. À ce stade-là, on devient. Là, akhal islam, il faut rester éveillé. Il faut garder sa personnalité de musulman. Il faut avoir la jalousie de sa religion. يقول رحمه الله الأمر الرابع أن سد الذرائع وقطع الوصائل الموصلة إلى الشرك من أكبر أصول الدين وقواعده. Il dit رحمه الله تعالى le quatrième point, c'est que le fait de fermer la porte et de couper court aux moyens qui vont amener vers l'associationnisme, ceci fait partie des grands fondements et des grandes règles de l'islam. يقول ولا شك أن ما ذكرته في رسالتك مما يصدر عن الشباب المسلمين الذين استوطنوا هذه البلاد وهم من ثمرات وهو من ثمرات بقائهم في بلاد الكفر. Il dit, il y a aucun doute que ce que tu as dit, tu as cité dans ta lettre parmi les actes que accomplissent ces jeunes musulmans qui ont résidé dans ce pays, ceci fait partie du mauvais impact du fait de résider au milieu des mécréants. يقول والواجب عليهم الثبات على دينهم والعمل به وإظهاره واتباع أوامره والبعد عن نواهيه والدعوة إليه حتى يستطيعوا الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. Il dit, est-ce qu'il aurait obligatoire, c'est de rester ferme sur leur religion, de la mettre en application, de la faire apparaître cette religion, de suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de s'éloigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, et d'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers la religion d'Allah, jusqu'à ce qu'il puisse faire la hijra vers le pays de l'islam. يقول والله المسؤول أن يصلح أحوالكم جميعا وأن يمنحكم الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعينكم على الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de réformer vos situations en bien et qu'il vous donne la compréhension de la religion et le fait d'être ferme dans la religion et que Allah subhanahu wa ta'ala vous aide à quitter les pays de mécréance vers les pays de l'islam. يقول وأن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لكل ما يحب ويرضاه وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ومن نزعات الشيطان نزغات الشيطان وأن يعيننا جميعا على كل خير وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمور المسلمين ويمنحهم الفقه في دينه وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في بلادهم والتحاكم إليها والرضا بها والحذر مما يخالفها إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Ainsi se termine cette fatwa du Cheikh Ibn Baz رحمة الله عليه. Et on résume avec ce dernier passage inshallah qui est le danger du fait de résider dans les pays de mécréants. أضرار المكت في بلد الكفر أولها أخ الإسلام التشبه بهم كما يقال من جالس جانس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم وهو في الصحيحين وجان بموسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. La première des choses, le premier mauvais impact du fait de résider au milieu des mécréants, c'est de leur ressembler. Et il est dit que celui qui est en compagnie de gens, il devient comme. Parce que le compagnon, il a l'effet de l'aimant, il tire vers lui. Hein? Et on est les enfants de la société au milieu de laquelle on est. On n'échappe pas à cette influence, qu'il soit bonne ou mauvaise. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, nous a averti, celui qui ressemble à des gens, il est comme eux. Cheikh Zayd rahimahullah, en interprétant ce hadith, il a dit, il sera châtié du même châtiment qu'ils vont subir dans l'acte où il leur a ressemblé. Et dans les authentiques, Abu Musa al-Ash'ari nous a donné l'exemple. Tu peux arrêter ton téléphone, barakallahu fik. Dans les authentiques, Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu wa arda, nous a enseigné, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, dans ce hadith authentique, que l'exemple du bon compagnon et du compagnon vertueux et l'exemple du mauvais compagnon, c'est comme le vendeur du musc, le maréchal ferrant, ou si vous voulez, le soudeur. Le vendeur de musc, n'importe comment, tu vas sortir avec des bonnes odeurs en étant en sa compagnie. Hein? Et l'autre, tu vas sortir comment? Mauvaise odeur sur ton tissu. Peut-être garde ton tissu avec les étincelles, il va se brûler. Il va devenir comme un tamis. Hein? C'est comme tu prends, par exemple, tu es là, tu as fait salat l'Isha. Et après, tu as retrouvé tes copains de la ZUP. Et tu restais avec eux au pied de l'escalier de l'appartement. Il y a certains parmi eux qui fument. Toi, tu ne fumes pas. Mais quand tu rentres à la maison, quelle odeur tu as? Hein? Tu schlingues. Ta femme, de loin, elle sort là, elle sent la pauvre, l'odeur du tabac froid. Les enfants à la maison, la même chose. Hein? Et ici, trouvé dans notre communauté, ça existe, regardez devant vous. Alès est un bon exemple sur ça. Dans le fait d'être intégré en Occident et d'être désintégré. Hein? Et d'être désintégré en ce qui concerne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un exemple flagrant. Hein? Regarde comment certains, dans leur façon de se coiffer, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de parler. Regarde comment. Tu le prends, tu le mets à côté et tu mets le Claude à côté et le Abdullah à côté. Tu ne fais pas la différence. Tu ne fais pas la différence. Et ceci est très dangereux. Il est très dangereux. Hein? Le fait de vivre dans un milieu... Quand on n'a pas une aqidah saine, tu vois pourquoi les hommes de science s'interdisent. Parce que la personne ne connaît pas Allah comme il se doit, n'a pas de preuve sur sa religion, n'a pas de preuve sur la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Il plonge. Hein? Kadhalika, min al-adhrar, anna al-mukt, bain al-kafirin, yud'ifu al-ghayrata ala dini Allahi al-haq. Inda kathirin min al-nas. وذلك لكثرة تفشي المنكرات فتصير في نظره كأنها أمر معتاد. Et le fait d'être au milieu des mécréants et de y rester longtemps et d'y résider longtemps et d'y rester, ceci faiblit la jalousie concernant la religion d'Allah. Hein? Et ceci tu le vois chez beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que dans ce pays de mécréance, la perversité a pignon sur rue. Le blâmable, il a pignon sur rue. L'associationnisme a pignon sur rue. Le libertinage a pignon sur rue. Hein? Et ça devient naturel, quelque chose de naturel. Tu t'arrêtes au stop, une femme nue à droite, un homme nu à gauche. Hein? Et après? Tout devient naturel. Hein? Regarde même combien l'influence. Hein? Regarde chez les innovateurs comment il est. Tu lui parles même de la sunna. Ah, il y a des mosquées, khlas. Ils veulent que le bien, qu'ils fassent dhikr jama'atan, qu'ils lisent le Coran jama'atan, qu'ils. Hein? Oh, khlas. Hein? فكذلك من الأضرار تحكم الكافرين في المسلمين وإلجاؤهم إلى التحاكم إلى قوانينهم الكفرية وهو تحاكم إلى الطاغوت et aussi il en découle l'un des mauvais impacts c'est le fait que les musulmans sont obligés de se soumettre aux lois de la mécréance et d'aller pour régler leurs problèmes vers quoi? Vers les tribunaux de la mécréance. Et dans ces cas-là, c'est de prendre comme juge ta route. Je vous donne des exemples. Tu vois au degré auquel on est arrivé. Les mosquées maintenant. Quand Shaitan, il allume la brèche entre les Algériens et les Marocains. Et que l'association marocaine veut chasser les Algériens, ou l'association algérienne veut chasser les Marocains. Ils se retrouvent devant un tribunal. Et c'est un administrateur mécréant qui vient gérer la mosquée jusqu'à ce qu'il y ait le jugement et la sentence du tribunal de mécréance. Hein? Vous avez entendu dans l'histoire de l'Église, ou là dans l'histoire de la synagogue, qu'une synagogue où une église s'est retrouvée devant un tribunal pour régler ses problèmes, devant un certains pour l'amour du pouvoir sur la mosquée. On ne veut pas celui-là, un pas. Alors il faut monter avec d'autres, créer une autre association, aller la guéguerre. Et il se retrouve. Et tu as l'argent des musulmans qui va être gaspillé dans les procès qui n'en finissent pas. La mosquée de Romont, ils sont arrivés peut-être à 20 000 euros dont on dépense pour les procès. Sur quelque chose qui ne doit pas exister dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le sectarisme national et le nationalisme. Ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer. La seule différence qu'il y a entre les gens, c'est le fait qu'ils préservent les droits d'Allah. Regarde, dans la construction d'une des grandes mosquées à Olney, qui est une ancienne usine de voitures. Tu ne vas pas croire tes yeux et tes oreilles. Il faut que tu le saches. Et que tu y viens, tu y vas, tu y pries une prière, tu verras surtout le samedi ou le dimanche. Une énorme mosquée. Avec une grande salle de fête qui appartient à la mosquée, qui a été construite par les responsables de la mosquée. Le samedi, le dimanche, tu dis Allahu Akbar et tu entends Shab Khalid, Shab Mami. Ça fait trembler les murs de la mosquée. Le hammam construit aussi par la mosquée. Le hammam, les femmes viennent. Certes, il y a des créneaux de femmes. Mais le Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam interdit à la femme de s'y déshabiller en dehors de chez elle. Et qu'est-ce qui se passe dans les hammams? N'est-ce pas que les hommes, des fois, ils ont quoi? Ils ont des petits maillots. Donc ça veut dire que toute leur forme, tout ce qu'ils doivent cacher, il est vu de tout le monde. Les femmes, ils font quoi entre elles aussi? T'imagines? Tout ça, ça prouve quoi? L'ignorance. Que les gens ne connaissent pas les lois d'Allah. Pourquoi les hommes de science, ils disent, celui qui doit aller, il doit avoir une connaissance de sa religion et des preuves solides. T'imagines maintenant, une salle de prière où les gays prient le vendredi. Donnée par, la pièce est donnée par un temple de Bouddha. Dans la région parisienne. On est parlé avec Cheikh Bramzan. Il m'a dit, s'il voit que ceci est illicite, que le fait qu'un homme soit avec un homme, etc., il voit que ça c'est illicite, que c'est une homosexualité illicite, ben ils sont dans la mécréance. Parce qu'ils ont rendu illicite ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait illicite. Tu vois le mauvais impact dans le pays de l'islam? Je suis bien. J'ai le Ressa, j'ai le Rémi, j'ai le Ratato, j'ai le Ratata, j'ai la CAF, j'ai le médecin gratuit, j'ai ceci. Et ta religion, Akhi? Et la religion d'Allah? Et les enfants? Ta responsabilité devant Allah, on va dire quoi? Moi, toi, nos enfants, nos petits-enfants, et ainsi de suite, on dira quoi, Allah subhanahu wa ta'ala? Là, ce monde, il va se terminer. Un jour ou l'autre, on le quitte à l'islam. كذلك من أضرار المكتب بين الكفار. Et parmi les mauvais impacts aussi, le fait de, pour faire le divorce, tu subis quoi? Les enfants, ils vont avec qui? الله المستعان. ومن منتي ومن أضرار المكتب بين المشركين والكفار منة الكافرين على المسلمين في إيوائهم وإمداد يد العون لمن ليس له اكتساب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وإن كانوا يستغلون هذه المنح في وسائل أخرى مثل الضرائب ونحوها لكنهم يستفيدون أمورا منها إذلال المسلم والشعور بعزة والمنة عليه. Et parmi les mauvais impacts que nous subissons dans ce genre de pays, hein, c'est que les musulmans, hein, ont le dessus sur nous, ils se sentent fiers et forts devant nous parce qu'ils nous accueillent chez eux, et parce qu'ils donnent des aides à ceux qui ne travaillent pas, et des aides à ceux qui ne travaillent pas, et des aides pour le logement, pour ceci, pour cela, etc. Alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, la main haute est mieux que la main basse. Celle qui donne est mieux que celle qui reçoit. Alors quand même, des fois, donc cet argent que tu reçois, tu le dépenses, ils te le prennent dans autre chose. Dans des impôts, dans des PV, parce que ton pied, tu ne sais pas retenir ton pied sur le champignon, alors tu payes. Hein? Mais ils gagnent autre chose. C'est ils nous rabaissent. Ils rabaissent le musulman. Et ils ont le sentiment d'être, d'avoir les honneurs sur lui et la suprématie sur lui. Et avec ça, ils nous font tomber, certains tombent dans ce qui est blâmable. فاسمع لفتوى الشيخ الألباني رحمه الله يقول الرجل رجل تدفع له الحكومة الكافرة مساعدة مالية على أساس أنه لا يعمل فإذا وجد عملا قطعت عنه المساعدة ولكنه يعمل في الخفاء ولا يبلغه ولا يبلغه. Regarde maintenant jusqu'où ça va nous amener. Le mauvais impact jusqu'où il y va. Une question est arrivée à Cheikh Nasser, rahimahullah ta'ala. Un homme, l'État mécréant, lui donne des aides, hein, une bourse pour l'aider parce qu'il ne travaille pas. Et quand il trouve un travail, ben ils arrêtent les aides. Mais il travaille au noir, il ne leur déclare pas. Hein? Écoute maintenant la réponse. فأجاب لا يجوز لا هذا ولا هذا سواء كان لا يعمل أو يعمل في الخفاء لا يجوز للمسلم أن يمد يده إلى الكافر لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة يقول وفي الآية الكريمة ما يكفي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهذا أيضا أثر من آثار سكن المسلم في بلاد الكفار ظلمات بعضها فوق بعض. Il dit رحمه الله ce n'est pas permis ni cette situation ni l'autre ni le fait de prendre les aides ni le fait de travailler et de se cacher de prendre les aides. Ni l'un ni l'autre, il dit, rahimahullah. Il dit, car la situation, le musulman ne doit pas tendre la main. Et que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la main haute est mieux que la main basse. Et la main haute, c'est celle qui donne. Et la main basse, c'est celle qui prend. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, citons le verset dans la traduction approximative du sens, dit ceci, Allah subhanahu wa ta'ala ne donnera aucun pouvoir aux mécréants sur les croyants. Il dit ceci, le fait d'agir ainsi, de travailler, de ne pas le déclarer et de continuer à prendre, hein, les aides, ben ceci fait partie des ténèbres, fait du mauvais impact du fait de vivre dans le pays de mécréance. Et il cite un verset qui dit, ténèbres sur ténèbres. Ténèbres sur ténèbres. Tu imagines jusqu'où ça peut aller les impacts? Nous, on ne sait pas. Mais les hommes de science, eux, ils ont la clairvoyance du livre et de la sunna, selon la voie et la clairvoyance des hommes pieux. Hein? Certes, il y a des hommes de science qui autorisent le fait de prendre les aides. Mais comment? Il ne faut pas s'endormir dessus. Tu prends ce que tu as besoin pour subvenir à besoin, et tu cherches du travail. Tu ne restes pas assisté. Hein? Certains, parmi nos frères, malheureusement, oh non, je ne veux pas travailler. Je vais rater ceci. Ben, si tu sais que tu vas rater la prière, tu vas rater ceci. Donc, tu ne peux pas accomplir ta religion. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que tu attends? Puisque l'une des conditions pour y rester, c'est d'accomplir ta religion. Hein? كذلك من الأضرار تكتير سوادي الكافرين وتكتير سوادي أهل الباطل منهي عنه ولهذا كان المسلمون يهاجرون إلى المدينة لتكتير سوادي المسلمين ونصرتهم. Et aussi, parmi le mauvais impact, c'est le fait d'augmenter le nombre des mécréants. Hein? Et le fait d'augmenter les gens du faux n'est pas permis. C'est pour ça que les musulmans, les premiers musulmans, quand ils se convertissaient, ils quittaient, ils allaient directement à Médine pour augmenter les gens du bien et pour augmenter les musulmans. Et non pas le contraire. كذلك من الأضرار يا أخي الإسلام استغلال الكافرين للمسلمين وتوظيفهم في أعمال غير شريفة وسلب دينهم منهم ولو بالتدريج. كذلك تضييع أبناء المسلمين. قد تنصر كثير من أبناء المسلمين في الغرب ووقعوا في أبشع الفواحش. Et aussi parmi les mauvais impacts, c'est que les mécréants profitent des musulmans et ils les utilisent dans des fonctions et dans des travaux qui sont rabaissantes et qui sont le contraire de la législation. Ils sont en contradiction avec la législation. Hein? Pour leur retirer leur religion, même petit à petit. Hein? Et aussi, il y a les enfants qui sont perdus. Combien d'enfants de musulmans se sont retrouvés, hein, sont devenus rien. Ni musulmans, ni rien. Ou alors rien, aucune identité. Hein? Ils sont tombés, dont certains sont tombés dans les pires des blâmables. Hein? Et ceci, c'est quelque chose, vous voyez tous, vous n'avez pas besoin d'exemple, tout ceci vous le voyez en face de vous. Hein? كذلك سحب لغة المسلمين اللغة العربية وسحب خصائصهم الإسلامية وشيمهم وأخلاقهم ومبادئهم الإسلامية. Et c'est aussi priver les musulmans de la langue arabe. Il est privé du comportement de l'islam et des principes et des nobles principes de cette religion et défigurer leur personnalité. Il ne devient rien. Hein? Alors, tout ceci, vous le voyez devant vous. Hein? Tout ceci, vous le voyez. Tout ça, ça fait partie du mauvais impact et des mauvais impacts que nous subissons dans le fait de vivre dans le pays de mécréants. Qu'on va continuer à vendre le plus cher et l'éternel qui est l'au-delà et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le mandat et avec le vie, l'islam. Jusqu'à quand? Parmi les impacts, les mauvais impacts, ما تبعض المسلمين في بلاد الكفر وولد أولاد لم يفتحوا أعينهم إلا في الكفر وتربوا في أحضان الكفار وأصبحوا كفار ما يعرفون شيئا عن الإسلام. Certaines personnes sont mortes par accident ou autre, ou une mort naturelle, et les enfants, ils ont laissé des enfants à bas âge. Ils ont été donnés à qui? À la DAS, qui les donne dans des familles de chrétiens, etc. Et ces enfants, qui sont nés à la base de pères et de mères musulmanes, sont nés au milieu de la mécréance. Et je connais plein de cas qui, une fois arrivés à un certain âge, ils commencent à se poser des questions. Et Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Il revient vers la religion d'Allah. Il te raconte ce qu'ils ont subi. Comment on les a influencés. Comment on les a, hein, formatés. Et tout ceci est très important. C'est une réalité. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam قال كلكم ra'in wa kullukum mas'oulun 'an ra'iyatihi. Et donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, vous êtes tous des bergers. Vous êtes tous responsables de votre troupeau. Hein? Et nous n'avons pas le droit de trahir ceux qui sont sous notre tutelle. Hein? Et regarde, médite. Maintenant, le programme de l'éducation, comment il est? Laisse la théorie nos ancêtres le Gaulois et Oulah nos descendants de singes. Maintenant, hein, les mécréants ont l'audace de vouloir aider, éduquer les futures générations à quoi ? À ce que celui que Allah subhanahu wa ta'ala a créé mâle et celle que Allah subhanahu wa ta'ala a créé femelle, d'avoir eux-mêmes le choix d'être mâle ou d'être femelle. Où est-ce que nous allons ? Hein ? Où est-ce que nous allons ? Hein ? Et ça, c'est une réalité aussi. Et on continue, certains continuent de dire, on est bien ici. Hein ? Pour les enfants, on reçoit. On a des subventions pour eux. Oui, on reçoit. Mais qu'est-ce qu'on perd en partie ? On reçoit pour rien ? Il n'y a rien pour contrepartie qu'on donne ? Ou là, on donne tout ? Là, en réalité, on donne tout. On donne tout. Hein ? Et ceci est très dangereux à l'islam. Et je ne te parle pas quand il y a un problème entre un pays de l'islam avec les mécréants. Qu'est-ce qui se passe après ? Hein ? Regarde les tensions qui arrivent au moment où il y a l'histoire de l'Irak, au moment où il y a l'histoire d'Afghanistan, au moment où il y a l'histoire de ceci. Regarde les problèmes qu'il n'y a pas. Hein ? Et je te laisse ce que subissent nos sœurs qui sont avec le niqab. Celles lui a arraché son niqab, il a continué à lui donner des coups de dans le ventre alors qu'il était enceinte. Et d'autres, hein, tu vois, on m'a montré une carte des actes islamophobes, mais c'est horrible l'akhal islam. C'est horrible l'akhal islam. Kedalika min al-athar sayi'a. Ce qui t'aj'al les muslimin yajrouna wara ahadi dunya hatta nasaw wajibat Allah. وحقوق الله وواجبة الأولاد والنساء قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق et parmi les mauvaises influences à l'islam d'être dans ce pays c'est d'être accaparé par le mondain, accaparé à suivre et à gagner, jusqu'à oublier les obligations d'Allah. Gagner sa subsistance et demander. Mais est-ce que c'est au détriment des obligations d'Allah, c'est au détriment de l'obligation de l'éducation des enfants, de la femme et ainsi de suite? Alors, les versets sont nombreux qui font le blâme de ce bas monde. Parmi celui que j'ai cité ici, dans la traduction approximative du sens dit ceci, les bienfaits de ce bas monde sont peu. Ce qu'il y a dans l'au-delà, c'est mieux et c'est ce qui reste. Dans l'autre verset, ce que vous avez va finir. Hein? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est éternel? L'au-delà, il est éternel. Le mandat que nous avons, il va se terminer un jour ou l'autre. Hein? Kadalik, insan, huwa ala hayatin wa maut. ولا يدري متى يقف عليه ملك الموت ولو مات المسلم بين ظهران الكفار كان على خطر عظيم et aussi nous sommes voués à mourir la mort est une réalité il n'y a aucun doute nous allons mourir et personne de nous ne sait le rendez-vous de l'ange de la mort personne ne le sait Et si la personne meurt au milieu des mécréants, c'est une situation dangereuse aussi. Comme la situation de vivre au milieu des mécréants. Et regarde, déjà vivant, on n'est pas libre, on n'est pas tranquille. Alors quand on est mort, la même chose. Quand un musulman mort dans un pays de l'islam, il meurt à Salat al-Dohr, à tout casser Salat al-Asr, c'est fini, il a été enterré, la prière s'est faite, khlas. Il est arrivé à sa demeure. Il a retrouvé sa tombe et son barzakh. Ici, 10 fois 7 jours, 10 fois plus. D'après, il faut faire l'autopsie, il faut déchirer de partout. Et s'il n'y a personne qui parle ou quoi que ce soit, ou qu'il n'y a pas de famille, vas-y, les membres qui vont être lui pris, etc. Et Regarde, les musulmans, ils sont enterrés au milieu des mécréants. Et c'est interdit. Il faut qu'ils aient un cimetière à part. Hein? Regarde. Enfin, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la clairvoyance de notre religion. Et qu'on se réveille de notre sommeil. Et que la situation est dangereuse. Et demain, on retrouve Allah. Demain, les questions vont être posées. Et qu'on se prépare avec des réponses authentiques qui tiennent debout. Hein? Et se préparer, c'est pas une fois qu'on est mort. C'est maintenant dans ce bas-monde, on met en application ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.